Parce que sur les anciens livres de Lutry, on voit des photos de chevalets de Stradivarius, et bien ça ne ressemble pas du tout à ce chevalet-là. Ça ressemble au bois qui est sculpté, il y a déjà des ouïes si on veut, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est pas pareil. Est-ce que ça a été modifié pour arriver à une forme définitive qui est celle-là? Il n'y a qu'un modèle maintenant. Il n'y a qu'un modèle, quoique il y a encore des modèles qu'on appelle le modèle tourte. C'était un modèle comme ça, par exemple. Ben, ça c'est tout à fait différent de ça. Et ça va, ça sonne aussi bien, c'est bon. Oui, c'est C'est beau. pas mauvais, mais on ne le fait plus. Ah bon? Parce que c'est un peu trop compliqué, peut-être, et ça coûte plus cher, et puis c'est plus pratique, ça, maintenant. On ne m'en demande pas, ça, Oui, c'est élégant pourtant. oui, c'est élégant, oui.